Bel bonjour Avignon, bel bonjour Radio Thomas. Je suis d'ailleurs. Le spectacle Tieste de Thomas, joli à la cour d'honneur du Palais des Papes pendant ce festival d'Avignon, se termine sur cette phrase de Sénèque. Méchants tous nous sommes qui vivons parmi nos pareils. Une seule chose peut nous rendre la paix, c'est un traité d'indulgence mutuelle. Et le metteur en scène dans ce spectacle ne manque pas de faire le parallèle entre cette tragédie grecque qui montre comment nos actes peuvent constituer un attentat contre l'humanité et impacter l'avenir des générations futures et notre réalité actuelle. Une partie de nous-mêmes, de notre humanité, est traumatisée par les images d'enfants migrants morts, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, morts, maltraités ou pire, arrachés à leurs parents. Les images de la jungle de Calais nous hantent en tant que Français, car toutes ces visions d'horreur d'une humanité bafouée nous renvoient aux heures les plus sombres de l'histoire, aux camps d'extermination de masse nazie. Au-delà, le cynisme des attitudes politiques en Amérique et en Europe est insupportable. Trump, président d'un pays constitué presque entièrement de la descendance de migrants européens, entend fermer des frontières jadis usurpées après avoir génocidé les peuples premiers du continent américain. Pas mieux en Europe où les peuples actuels du pourtour méditerranéen sont entièrement constitués du métissage des migrations. Pourtant, la créolisation du monde s'opère inexorablement, malgré les tentations et les replis identitaires des dirigeants de la planète devenue fou. À cet égard, la Caraïbe, en tant que continent archipélique, nous donne un autre exemple de ce que peut être la migration habituelle, car elle est zone de migration historique. La migration intracaribéenne est une tradition qui existe depuis les peuples premiers Arawak et se perpétue avec notamment les pacotilleuses haïtiennes qui vont d'île en île vendre leurs produits artisanaux. De plus, pendant plus de 4 siècles, la Caraïbe fut une zone d'accueil de migrants volontaires ou pas, venus d'Europe en masse, d'Afrique avec l'esclavage et d'Inde avec la migration de travailleurs au 19e siècle. Les migrants dans la zone représentaient 2% de la population caribéenne, soit 4,5 millions de personnes en 2010, sans que cela ne pose le problème du repli identitaire. Cette migration des plus pauvres pose toutefois sans doute, comme partout ailleurs où il y a migration, le problème de l'exploitation démesurée des migrants par les natifs, une situation parfois qui s'apparente à de l'esclavage moderne. Une partie de notre humanité lutte partout contre ce drame qui se joue, notamment les ONG, les artistes et quelques intellectuels. En France, la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, a lancé un appel retentissant en faveur des migrants à Nantes lors des dernières biennales internationales du spectacle, devant des centaines de responsables culturels. Le monde culturel a le devoir d'agir. Offrons-leur un accueil digne de ce nom. C'est notre honneur, celui de notre culture, celui de notre République qui en dépend. Invitant les artistes à aller plus loin, elle dit « Vous pouvez combattre les stéréotypes qui les frappent, agir pour leur droit à la considération ». En racontant leur histoire dans vos spectacles, en leur faisant une place dans vos programmations. Partout, expositions et spectacles s'impliquent pour lutter contre le rétrécissement des esprits, comme le festival Migrant Scène de la CIMADE, qui du 17 novembre au 9 décembre prochain invite les festivaliers autour de la thématique « D'ici et d'ailleurs, ensemble », dans plus d'une centaine de villes en France hexagonale et en Outre-mer. Et puis des expériences éminemment positives sont tentées comme celle du psychologue américain Arthur Aaron qui a démontré il y a déjà 20 ans qu'un rapprochement s'opérait entre deux inconnus s'ils se regardaient 4 minutes dans les yeux. Partant de là, je cite, Amnesty International a réalisé un film d'expérimentation pour rappeler que voir le monde à travers les yeux d'une autre personne est toujours bénéfique. Ce film, Look Beyond Borders, produit à Berlin, part d'une rencontre symbolique d'Européens avec des réfugiés pour devenir une métaphore universelle. Les organisateurs ont décidé d'utiliser ce concept dans le contexte de l'arrivée en Europe de milliers de réfugiés chaque année. D'un côté, il y avait des réfugiés, de l'autre des Européens, tous des gens ordinaires. Les scènes n'ont pas été préarrangées et les personnes qui se sont assises les unes en face des autres ne se sont jamais rencontrées auparavant. L'expérience est entièrement basée sur la spontanéité et le caractère naturel des réactions. Grâce à cette expérience, il a été possible de montrer qu'une rencontre entre des gens qui sont en théorie étrangers l'un à l'autre et issus de cultures différentes peut devenir particulièrement et profondément inspirante. Les frontières existent entre les pays, pas entre les êtres humains. Ce film se veut un message européen, collectif, adressé à tous et à travers le monde. Le projet a été lancé au même moment dans plusieurs pays, par-delà les frontières et par-delà la situation spécifique de chaque pays. Je vous conseille vivement de voir ce beau documentaire qui donne de l'espoir, l'espoir que l'humanité ne se laissera pas déshumaniser. Et pour finir, j'emprunte au cahier de prison d'Antonio Gramsci cette phrase qui illustre tellement notre actualité. Le vieux monde se meurt, le nouveau tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Plis fos à nos frères funambules sur les lignes folles des frontières du monde. C'était Nathalie Lollet à En Avignon pour Antilla. Merci.